On va parler de football collégial. C'est la grande finale entre LSU et Clemson ce soir. Ça aura lieu, je pense, en Nouvelle-Orléans. Quoi qu'il en soit, Wallet va nous en parler. Salut, Wallet. Salut, Danny, ça va bien? C'est ça, en Nouvelle-Orléans, hein? Oui, le match est joué au Stade des Saints, là, ouais, au Mercedes-Benz Superdome. Pour ceux là, qui suivent un peu là, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, là, c'est le party élevé, là, ça fait au moins 2 jours. Là, les fans de LSU, c'est naturellement l'équipe locale. Là, l'équipe est à moins de 90 minutes de route de la Nouvelle-Orléans. Donc, le stade est tout simple, pas le stade, mais les rues sont tout simplement pleines de fans là, de LSU. Puis, comme j'ai le party élevé, puis s'il fallait que LSU gagne ce soir, là, ça va être, ça devrait tout un spectacle après le match. Parce qu'évidemment, LSU, l'université est à Bâton Rouge, si je ne m'abuse, c'est ça? Oui, Bâton Rouge qui est à plus ou moins là, 90 minutes de route de la Nouvelle-Orléans. Là. Ouais. Donc, j'imagine que la foule va déjà être, qui est une foule pour les Saints, qui est vraiment intimidante. J'imagine que ça va ressembler pas mal à ça, là. Ouais, puis de ce que j'ai pu entendre, là, selon la vente des billets, on prévoit une foule d'environ 70% de LSU, 30% de Clemson. Donc, sans dire que c'est un match sur la route pour Clemson, ils n'auront pas l'avantage du terrain avec une foule qui devrait être bruyante là, quand l'offensive est sur le terrain. OK. Donc, moi, je vais y aller tout de suite. Pour les gens qui sont pas habitués à la NCAA, qui vont faire leur premier match, qui vont écouter leur premier match de la NCAA ce soir, présenter seulement TSN en passant, c'est une critique que je veux faire parce que côté RDS, là, il présente le Canadien puis il présente d'un autre angle. Une émission d'opinion du match du Canadien. Donc, il me semble qu'on aurait pu. C'est un petit commentaire en passant. Là. Je sais que le Canadien au Québec, c'est une religion, mais il me semble qu'on aurait pu présenter. On a 5 postes de sport et aucun présente ce match ce soir. Je trouve ça un petit peu triste, mais bref, c'est mon opinion personnelle. Donc, les gens, pour revenir à mon commentaire, les gens qui écoutent pour la première fois la NCAA, c'est très intéressant parce que ça met aux prises. Le premier choix de cette année, qui est Joe Burrow, qui se semble unanime, face au premier choix de l'an prochain, Trevor Lawrence de Clemson, qui semble vraiment unanime aussi. T'es d'accord avec moi? Ah, à 100%, là, je pense que Joe Burrow, là, il a vraiment cimenté son rang au premier total. C'est un gars de l'Ohio, c'est un gars qui a connu une saison exceptionnelle. Puis les Bengals qui ont le premier choix au repêchage, ils ont besoin d'un corps arrière. Cincinnati qui est en Ohio, je pense qu'on peut pas se tromper. Pour ce qui est de Trevor Lawrence, beaucoup de personnes disent que c'est le meilleur corps arrière qui a sorti des rangs universitaires depuis Andrew Luck. Ouais. Il reste quand même une grosse saison, là, plusieurs choses peuvent arriver. Malheureusement, des blessures peuvent arriver d'un joueur qui peut exploser, connaître une saison exceptionnelle. Mais je pense que Trevor Lawrence a prouvé depuis son arrivée dans le college football que c'est un talent unique. C'est un talent qu'une équipe de la NFL va vouloir repêcher pour avoir comme corps arrière pour les 15 prochaines saisons. Là. OK. Et moi, je vais y aller avec. Je vais te dire une affaire. Je vais y aller avec LSU, puis je m'explique. C'est facile de dire ça. Clemson, c'est pas que c'est un. Tu joues dans le ACC et l'autre joue dans le SEC. C'est une méchante différence de compétition. Le SU, me semble, c'est le premier plus fort que le troisième. Ils ont battu Ohio State, tu vas me dire, ils méritent d'amplement d'être là, je suis d'accord avec toi. Mais le fait que je joue dans le SEC, qui représente Auburn, qui représente également Nomeleto de Georgia, il y a des grosses universités là-dedans. C'est vraiment, faut y aller avec LSU pour ce soir. Ben écoute, j'ai longtemps partagé ton opinion, puis plus que le match avance, plus que... Je suis obligé de te dire que moi, je vais mettre mon. Si j'avais un vieux 2$ à mettre sur ce match-là, j'aurais tendance à le mettre sur Clemson. Ah je oui? m'explique pourquoi. Clemson, comme tu viens de le dire, plusieurs personnes vont les critiquer en disant: ah, ben, vous jouez dans la ACC, une horaire relativement facile. Mais quand on regarde la manière qu'ils ont gagné leur match, à l'exception du match contre North Carolina, c'est tous des matchs qui ont été largement dominés. Ils n'ont jamais accordé plus de 2 touchés par match. Donc, ils n'ont aucun match avec plus de 14 points, sauf naturellement le match contre North Carolina. Ils ont été dominants tout au long de la saison. Puis, plusieurs personnes les critiquaient en disant « Ah, ben vous avez une horaire facile. » Mais en bout de ligne, quand tu remportes tous tes matchs de façon convaincante, quoi de plus que tu veux offrir? Ouais. Puis les fans de Clemson disaient: ben, attendez, on va affronter Ohio State. Puis moi, je continue de penser, je pense que même si LSU joue dans la SEC, je pense que Ohio State avait l'équipe la plus complète cette année dans le college football. Donc, la victoire contre Ohio State m'a donné beaucoup d'espoir envers Clemson. Clemson ont remporté 2 des 3 derniers championnats nationaux. veux pas, c'est une expérience que eux ont, que LSU n'ont pas. Puis j'aime toujours ça de comparer un peu les impondérables dans ces matchs-là. Puis je suis Ouais. obligé de donner l'avantage à Dabo Sweeney. Dabo Sweeney, il y a beaucoup de gens qui le trouvent un peu tannant à cause de ça. C'est le genre d'entraîneur qui va être capable de motiver ses joueurs simplement avec le fait que son équipe est classée troisième, LSU son premier, LSU son favori par 6 points. Dabo Sweeney peut probablement faire un speech d'avant-match d'une demi-heure juste là-dessus pour motiver ses joueurs. En termes de talent, le talent des deux côtés du ballon là, pour les deux équipes, c'est très similaire. Tu as Ouais. des corps arrière capables de lancer, des corps arrière de calibre NFL, des porteurs de ballon des deux côtés, même chose, eux, qui sont excellents, des receveurs de passe, la défensive qui est excellente. Mais j'ai tendance à avantager Clemson. Moi, je pense que ça va être une victoire de 43-41 pour Oh, les ça va être Tigers très de très Clemson. serré. Ça va être Ouais, je m'attends à un match là, qui se termine en toute fin de match. Probablement un gros jeu en offensive là, pour Clemson là, pour remporter ce match-là. Est-ce que le fait que Lawrence, next, ben Joe Burrow n'était pas là en championnat national l'année passée. Le fait que Lawrence est là, ça peut être dans les gros matchs. Est-ce que ça peut avoir un facteur? Ben, comme que je t'expliquais, que ce soit Trevor Lawrence ou que ce soit Ouais. les joueurs qui reviennent pour la quatrième saison, ça fait quoi, 4 ans en ligne que Clemson sont en finale Ouais. du college football. Ils en ont remporté 2 en 3. Leur seule défaite, ça a été contre Alabama il y a 2 ans. On parle d'une dynastie, on parle d'une équipe Ouais. qui renouvelle son talent année après année. Puis, une chose qui est vraiment intéressante avec Clemson, c'est l'an dernier, on pensait que c'était. Ils avaient comme tout mis les yeux dans le même panier avec leur défensif qui était complètement incroyable, leur front défensif. 3 joueurs qui sont repêchés en première ronde du repêchage de la NFL. On pensait que c'était. On met comme que j'ai toutes les yeux dans le même panier pour gagner en 2018-2019. Puis on revient cette année avec une défensive qui a mis des chiffres au tableau encore meilleurs que l'an dernier. Je pense à un joueur là, comme Isaiah Simmons qui est un middle linebacker pour Clemson, le numéro 11. Un joueur à surveiller, là, il est partout sur le terrain à chaque fois qu'il y a un plaqué. Si c'est pas lui qui fait le plaqué, mais il est tout de suite à côté, là, il est toujours sur le ballon. Une défensive explosive. Comme je t'ai dit, match serré, je m'attends pas à un match à l'image des matchs éliminatoires qu'on a eu dans la NFL en fin de semaine là, avec pas beaucoup de compétition. Je m'attends à un match très serré entre les deux équipes. Puis je pense que ça va être un jeu qui va faire la différence dans ce match-là. Puis comme je te dis, j'ai tendance à favoriser Clemson. OK. Et des impondérables, si tu me dirais, ligne à l'attaque, KS, à quel niveau ça se situe là? Donc, présentement, tu donnes l'avantage à Burrow, quoi? Ben, ouais, encore là, tu sais, Burrow a connu une saison Ouais. exceptionnelle, beaucoup, beaucoup mieux que Trevor Lawrence, mais quand on regarde au final, qu'est-ce que Trevor Lawrence a fait depuis 2 ans? Trevor Lawrence, depuis qu'il est arrivé dans le college football, il a connu un mauvais mois, puis c'est le mois de septembre 2019. Depuis ce temps-là, il n'a pas lancé d'interception. Il approche les 4000 verges. C'est un gars qui. J'aime pas utiliser l'expression, mais c'est un talent générationnel. C'est un gars qui va aller jouer dans la NFL là, en 2021, puis qui pourrait battre là, les records qu'on voit de Peyton Manning, Ah Tom ouais. Brady. Ouais. C'est celui-là qui reste en santé, le talent est là. Donc, est-ce que j'avantage vraiment Joe Burrow? Ben, je pense que Joe Burrow a prouvé cette saison que c'est un corps arrière exceptionnel, mais Trevor Lawrence, loin d'être un mauvais corps arrière. Je te dirais, le seul. Si je compare là, unité par unité, la seule unité que j'aime un petit peu moins, c'est au niveau de la ligne défensive OK. de LSU qui, durant la saison, n'ont pas beaucoup mis de pression sur les corps arrière adverses. LSU ont des bons maraudeurs, des bons demi-défensifs, mais ce qui est de la ligne défensive, c'est probablement leur lacune. Puis quand tu te retrouves à jouer un match contre une offensive aussi bien balancée que Clemson, qui peuvent courir avec Travis Etienne ou lancer le ballon, naturellement Trevor Lawrence qui lance le ballon là, à T. Higgins ou Justin Ross, ça peut compliquer les choses là, si tu ne mets pas de pression sur le corps arrière adverse. OK, donc tu vas y aller avec Clemson, donc 43-41. Je voulais y aller avec une analyse plus complète, mais là tu viens de la faire. Wallet, donc on va se reparler mercredi pour la bière. Est-ce que demain tu ne pourras pas être là? Moi, ça va me donner le temps de regarder le match parce que demain, moi je suis à 20h, moi je suis décédé, je suis d'un autre monde, puis je ressuscite le lendemain. Donc, puis je vais écouter le match demain. Je veux te parler de la nouvelle, notre entraîneur qui est quitté. Oui, mais dans le fond, si vous avez suivi un peu le carrousel là, des instructeurs Ouais. là, depuis le début de la saison morte, la SEC, surtout la conférence de l'Ouest, sont en train de se bâtir une conférence assez incroyable. On avait déjà le coach Nick Saban que tout le monde connaît. On avait coach Ed Orgeron, naturellement l'instructeur-chef de LSU qu'on va voir en finale ce soir. Faut pas oublier Jimbo Fisher, puis Gus Malzahn à Texas A&M, puis Gus Malzahn qui était à Auburn. Mais là, dans la saison morte, on a rajouté Lane Kiffin là, qui a quitté Florida Atlantic pour se rendre à Ole Miss. Lane Kiffin l'a dit lui-même quand il a pris des postes d'instructeur-chef dans le passé. Il était peut-être trop jeune, immature, pas capable de gérer une équipe comme qu'il l'aurait souhaité. Puis il a fait ses classes, là, il est allé avec Alabama pour au poste de coordinateur offensif, un peu se faire un autre. Après ça, ben, justement, il est allé à Florida Atlantic. Puis là, ben, cette semaine, on apprend là, que Mike Leach, qui était l'instructeur-chef à Washington State, puis Mike Leach, on va se dire, là, il a vraiment changé le visage du programme à Washington State. On a changé un peu le c'est une équipe qu'on était habitué de voir perdre année après année. Puis durant le séjour de Mike Leach, c'est une équipe qui était année après année dans des bowls importants, sans dire des bowls majeurs, mais des bowls importants là, pour une petite université. Ben Mike Leach a accepté un poste à Mississippi State. Mississippi State, là, qui est reconnu pour avoir une défensive exceptionnelle, ont maintenant un gourou offensif qui va peut-être justement changer le visage de cette université-là. Moi, je pense que la SEC West, là, dans les prochaines saisons, ça va être très intéressant à suivre. On a beaucoup d'instructeurs qui sont compétents dans cette division-là. Puis ça rend les choses intéressantes là, dans le sud-est du pays, là. OK, Wallet, on s'en parle mercredi. Yes. Dernière Bon chronique de match à l'année, tous. ça me fait de la peine parce que Wallet, je te considère vraiment comme un excellent chroniqueur. C'est un talent caché, donc les gens ne connaissent pas Wallet, malheureusement, les grands médias, mais moi, je peux te dire qu'on a le meilleur chroniqueur de la NCAA au Québec, sans aucun Ah, doute. merci beaucoup, Danny. Puis, je veux juste renchérir sur ce que tu as dit en début de chronique. C'est plate, naturellement, que RDS ne présente pas le match. Mais regarde, nous, on continue à en Ouais. parler, on continue à faire grossir notre famille de fans. Ben, peut-être que dans quelques années, on va avoir justement les matchs de NCAA, là, Ben, semaine regarde, après semaine, sur les ondes de RDS. j'ai chialé combien d'années pour la NBA? Comme, pourquoi que la NBA n'était pas couverte au Québec? Comment la NBA n'était pas couverte à RDS? Il n'y avait pas de match en français. Qui sait que peut-être qu'un jour, que la NCAA, on va avoir un match par semaine. On devrait avoir un match par semaine. C'est du contenu. Je sais pas les droits. C'est sûr qu'il n'y aurait pas des grands codes d'écoute. Faut pas s'attendre à des grands codes d'écoute, mais au moins, c'est du contenu. Puis, il me semble que ça ne coûterait pas cher que ça. Écoute, c'est diffusé en France. Pourquoi ce ne serait pas diffusé au Ouais, Québec? puis comme tu dis, RDS, TSN sont partenaires avec ESPN, puis Ouais. ESPN, ils possèdent tout le contenu du college football américain. Donc, Ouais. je pense que les possibilités sont là. RDS, ils ont des personnes très compétentes pour couvrir le football. Je pense Ouais. que ce ne serait pas compliqué pour eux de présenter un match par Et semaine, puis spécialement pour présenter le match en finale. je pense, à un autre site que tu collabores, Forum Sport Lucide, je pense, vous êtes en live, je pense, à compter de 18 h, je me m'abuse, c'est ça? Ouais, J'ai vu ça sur si un, vous j'ai avez... vu ça sur un, sur les Twitter, là. Ouais, s'il y a des gens ici là, qui écoutent la chronique avec Danny en après-midi, qui ont des questions à nous poser sur le match, qui ont des interrogations sur comment le match est joué, peu importe, ben on est live sur Facebook. Ça va être le Facebook de Sport Lucide ou le Facebook du Blitz NFL. Donc allez suivre nos pages, puis on va répondre à vos questions là, pendant 1 heure avant le match ce soir. OK. Wallet, très intéressant. On s'en parle pour la dernière fois mercredi, mais on va s'en reparler pour le repêchage de la NFL aussi, si tu veux bien, dans le temps. Donc, Wallet du site internet lebitsnfl.com.